lèvres exhalent un doux soupir et sur ta bouche dessine un sourire. Lisez-moi tout creux des reins, je vois ton cœur battre caché sous ton sein. Les yeux fermés par le plaisir, le corps offert tendu vers le plaisir. Tu danses lentement contre moi au son d'un tes yeux, regarde-moi, j'aime tant me promener.